Du bricanet, c'est vrai. Tu es chanteur, c'est vrai. Dernier moqueur, c'est vrai. Puis tout son cœur, c'est vrai. Tu répétais, c'est vrai. C'est ton projet, c'est vrai. Tu es trappeur, c'est vrai. T'es même DJ, c'est vrai. C'est une rumeur ou c'est vrai? Tu n'y croyais pas, hein? C'est vrai. Et ben voilà, et ben voilà, j'ai un texte spécialement pour toi. Alors écoute ma voix, parce que ça, oui, ça c'est vrai. Arrête, arrête, arrête de discuter et de gaspiller ta salive en vain. Car tes mots ne sont rien, garde tes fabulations. Ça ne marche pas avec moi, garçon. Si j'ai un rêve dans mon placard, ce ne sont sûrement pas tes menaces et ton regard qui me feront changer d'égard envers mon seul rempart dans ce monde de barbares. Je m'en fous si je deviendrai jamais une star. Ça sera peut-être pour plus tard. Maintenant, maintenant je compose et je me marre. Et en fait, grâce à toi ce soir, tu chantes puis te craches ta part, connard. Si mon style et ma musique te rendent dingue, ça ne sert à rien de me menacer avec ton flingue. Moi je ne t'ai jamais obligé à l'écouter, alors arrête le CD. Mais moi je ne vais pas céder. Laisse-moi, laisse-moi, yeah. Laisse-moi tranquille, car dans cette ville tout le monde est égaux. Je sais que je ne vaux pas mieux ou pire que tes ragots. Mais moi je peux me promener dans la rue sans défaut, car personne ne me frappera dans le dos. Je suis clean et mange pas mes mots, mon armure c'est le dico. Alors les messes basses, laisse-les dans ton ghetto. Je dis haut et fort tout ce que je pense de ton sort. Aujourd'hui tu as bien ramassé, mais j'en avais assez de tes méchancetés. Et je ne veux plus laisser couler ta pas de peau. Je sais, car en face de toi il y a Digitalo. Tu bricanais, c'est vrai. Tu es chanteur, c'est vrai. Dernier moqueur, c'est vrai. Puis tout son cœur, c'est vrai. Tu répétais, c'est vrai. C'est ton projet, c'est vrai. Tu es trappeur, c'est vrai. T'es même DJ, c'est vrai. C'est une rumeur ou c'est vrai? Tu n'y croyais pas, hein? C'est vrai. Et ben voilà, et ben voilà, j'ai un texte spécialement pour toi. Alors écoute ma voix, parce que ça, oui, ça c'est vrai. Dans ta vita, tu as un souhait, un choix. N'écoute pas la jalousie des gens autour de toi, car sinon tu resteras toujours là avec tes ambitions sans solution. Mais maintenant prends-toi en main, crée ton propre destin. Ne pense à rien, fonce, trouve ton chemin. Peut-être il arrivera demain. Regarde-moi par exemple, depuis petit je voulais devenir musicien. Cependant tout le monde se moquait de moi sans gain et me disait tu es un moins que rien. Mais je persistais, je me produisais où que j'allais. Du piano, piano, solo, solo. Je me suis mis à écrire mes propres morceaux. Ensuite je me suis jeté à l'eau sans perdre de temps au galop. J'ai commencé à chanter la pop italo. Mais maintenant je chante du R&B hip hop avec mon micro. Je ne suis pas un amateur ni un pro, mais juste ce qu'il faut pour être bien dans ma peau. Ne prends pas garde au balivernes, ça n'en vaut pas la peine. Si tu l'as dans les veines et que tu y crois, alors laisse ceux qui la viennent et dis-leur la ferme qu'ils gardent leur haine et qui rentre chez eux, car ici on ne veut plus de haine. Si tu réussis ce défi, tu deviendras plus vite un homme, alors réagis vite, sinon ça sera toujours pour ta pomme. Tu bricanais, c'est vrai. Tu es chanteur, c'est vrai. Dernier moqueur, c'est vrai. Puis tout son cœur, c'est vrai. Tu répétais, c'est vrai. C'est ton projet, c'est vrai. Tu es trappeur, c'est vrai. T'es même DJ, c'est vrai. C'est une rumeur ou c'est vrai? Tu n'y croyais pas, hein? C'est vrai. Et ben voilà, et ben voilà, j'ai un texte spécialement pour toi. Alors écoute ma voix, parce que ça, oui, ça c'est vrai.